Bonus. Trax. Bonjour, chères auditrices et auditeurs. Dans cette session de découverte, en 3 épisodes, nous jouons à Legacy of the Crown de KPM Studio, qui a financé le kit de découverte auquel nous jouons en juin 2022. Nous suivons les traces de 4 personnages parmi les 5 pré-tirés pour voir ce qui se passe à Don Hill, dans une Angleterre dystopique de 1886, rongée par la rouille. Étrange peste, mais qui a subi un bond technologique surprenant. Vous êtes arrivé enfin au Evans Scudger. La taverne est relativement pleine. Vous avez été obligé de vous attabler avec 2 autres personnes, 2 inconnus, un jeune homme qui lit un livre et une autre personne un peu plus vieille qui semble bien portée sur la boisson. Donc vous êtes là après votre voyage en calèche. Donc vous êtes arrivé en calèche, village de Don Hill, sur la côte nord-ouest de l'Angleterre, non loin de la frontière qui sépare le pays de l'Écosse. Le chant des mouettes vous accueille, l'air iodé, les embruns. Vous êtes effectivement sur ce village de pêcheurs. Et après ce voyage un peu rugueux, vous êtes assez content de vous attabler, de vous réchauffer un peu. Et il pleut assez fort dehors. Et donc vous êtes arrivé dans ce village de communauté d'environ 300 habitants, 300 individus, beaucoup de pêcheurs évidemment. La ville la plus proche se trouve à une trentaine de kilomètres. Donc voilà, vous êtes bien content d'avoir pu vous attabler malgré la promiscuité. Pourquoi vous êtes là? Eh bien, c'est simple. Vous avez été engagés tous les 4. Un homme qui s'est présenté comme étant l'étranger vous a réuni, un grand gaillard avec un chapeau noir surmonté d'une plume, vêtu de vêtements sombres. Son visage couvert par un masque de porcelaine, peut-être cachait-il ainsi les stigmates d'une blessure ou d'une maladie grave, impossible à dire. Il vous a réunis et vous a proposé une mission. J'ai eu vent d'étranges événements s'étant produits dans un hameau de pêcheurs appelé Don Hill, un endroit sans importance jusqu'alors. Je vous ai observé tous les 4 ces derniers temps, et vous avez l'air taillé pour remplir une petite mission pour moi. J'ai besoin que vous vous rendiez dans ce trou paumé et que vous tiriez les choses au clair. Je vous recontacterai quand vous aurez trouvé ce que je cherche. C'est sur cette proposition bien énigmatique que vous avez accepté la bourse de 100 livres qu'il vous proposait. Vous pouvez donc vous partager cette bourse et prendre 25 livres sterling chacun. Vous avez donc accepté cet acompte et décidé d'aller voir à Don Hill ce qui pouvait bien s'y passer d'étrange et ce qui pouvait ainsi attirer l'attention de ce mystérieux employeur. Quel mélange avec nos missions personnelles est prévu par le scénario? Du coup, moi dans la fiche de perso, il y a une mission qui parle aussi de Don Hill, c'est normal, c'est parti du... Ah oui, bah tout à fait, vous avez tous effectivement une mission personnelle que vous pouvez décider de suivre avec la conviction que vous souhaitez, plus ou moins, à vous de voir. Et effectivement, vous avez tous, au-delà de cette mystérieuse mission donnée par cet étranger, vous avez tous des bonne raison d'aller là-bas, qui vous regarde, que vous pouvez décider de partager ou non, rapidement ou pas, avec vos camarades. Et donc, revenons à cette table, le feu qui crépite commence un peu à vous réchauffer, la boisson peut-être qui se trouve devant vous y participe aussi. Donc nous rapprochons doucement et nous observons d'abord un jeune homme, Karl Vormann. Oui, c'est moi-même. Donc je t'en prie, brise-rotule, présente-toi un petit peu. Alors, que vous dire de Karl? Écoutez, plein de choses. C'est un jeune homme de 27 ans, originaire d'une famille prussienne, très doué en médecine, passionné de médecine, mais il a tendance un peu à confondre cette science avec une autre, celle de la mécanique, puisque pour lui, la médecine n'est que la mécanique du corps humain. Donc, il a tendance à confondre les rouages, les fluides, avec ceux des machines. À côté de lui, une bien jeune fille, jouée par Mélana. Oui, alors Kaira, c'est effectivement une jeune fille, la plus jeune de la tablée, en tout cas très jolie. Elle a vraiment de très beaux atouts physiques, mais pas que. Elle joue énormément de ses charmes Elle aura toujours un regard en coin de ses grands yeux sombres pour essayer de séduire, essayer d'attirer vers elle quelqu'un. D'ailleurs, elle ne touche que très peu à la boisson qui est devant elle si c'est alcoolisé. Elle préférera plutôt se mettre sur un bon thé chaud. C'est donc ce qu'elle aura devant elle, bien sûr. Elle est habillée avec des vêtements de voyage, mais malgré tout très séduisants. Un corset assez proche du corps, une petite qui se termine par une robe, une jupe en dentelle. Mais c'est très fin, c'est très séduisant. C'est très clairement un profil de courtisane hein, qu'on peut voir en elle. Parfait. Et donc en face de Carl et de Keira, nous avons John, interprété par Artemis. Oui, John Shepard, recrue pour la Royal Army. Il est originaire du Lands de Queen's Eden et il dénote par rapport aux autres personnes étant donné qu'il est habillé, il revêt l'uniforme de la Royal Army. Et il porte sur sa gauche un sabre et sur sa droite dans un étui un revolver. On voit bien que sa tenue militaire est bien renforcée. Typiquement, c'est une armure qu'il porte, une armure légère, comme toutes les recrues. Il a un air assez sérieux. Et donc, à ses côtés, le dernier membre de votre groupe, le doyen Patrick, joué par Malorin. Oui, donc Patrick Hayes, en fait, il est originaire de Don Hill. Donc, il a salué quelques personnes en rentrant dans l'auberge. C'est pas un inconnu. C'est un grand gaillard assez costaud, légèrement dégarni aussi, mais bon, ça c'est un problème. Et par contre, toujours le regard triste. En fait, il revient à Don Hill aussi pour essayer de trouver quelque chose par rapport à la mort de son fils, qui a provoqué un effondrement familial. Et donc, je suis le mercenaire. N'en dis pas plus pour l'instant. Nous allons regarder ça pour le petit moment de RP qui va pas tarder à suivre. Juste pour finir, donc, du coup, vous êtes attablé donc Evans Counter, hein, je disais, donc tenu par Evan. À côté de vous, sur la même table, donc il y a d'autres tables avec pas mal de monde. Il est environ 12 heures lorsque vous êtes arrivé à cette auberge. Donc autour de vous, un vieillard... semble-t-il totalement ivre, hein. Vous pouvez voir en train de lever son verre sur la photo à droite. Et également un jeune homme brun, donc qui porte des lunettes rondes, visage fin, aux allures un peu, académiques. Il semble relativement fatigué, un costume sobre, assez distingué, et des cheveux, une barbe, cheveux un peu hirsutes, une barbe mal rasée, un peu négligent. Et donc voilà, vous êtes arrivé ici. Et... Vous réchauffer un peu, de vous ragaillardir un peu avant d'entamer votre mission. Je vous laisse dialoguer un petit peu si vous le souhaitez. Je le connais, moi, ce vieillard. Ce vieillard, tu peux toi le connaître. Tu vas me lancer un des 10. 10. Tu le connais, c'est un sale ivrogne que tu n'aimes pas et qui te le rend bien. Ouais, il est quand même pas là. Mais tu ne sais pas si t'as reconnu pour l'instant. Il est probablement trop ivre pour t'avoir reconnu. Ok. On va peut-être mieux pas qu'il te reconnaisse. Ok, mais je me tourne sur ma chaise pour être un peu... pas dans son angle de vue. De biais. Ouais. Le jeune homme, tu ne le connais pas. Je vais dire, Patrick, tu parlais de ton fils. Donc peut-être souhaites-tu un peu te confier à tes camarades, je ne sais pas. Bah donc, oui, mon fils est mort il y a quelques années. En fait, Don Hill, c'est une ville de pêcheurs. Hein, donc, il était petit à la pêche et il s'est noyé. Et ça a généré, on va dire, une vague de merde, en fait. Ma femme est partie avec tout ce qu'elle pouvait emmener et les enfants. J'ai perdu mon emploi. Ça a été... la catastrophe, la descente aux enfers, et donc je suis devenu mercenaire à ce moment-là. Et il y a quelques jours maintenant, en fait, j'ai reçu un papier me disant que peut-être mon fils n'était pas mort accidentellement. Ah. Tout d'abord, mes condoléances, monsieur Hayes, pour votre perte. Effectivement, s'il y a un meurtre, nous devons enquêter et conduire le meurtrier à l'échafaud. Personne n'échappe à la justice de la reine. Dites-moi, mon brave, là, je regarde l'ancien, là. Dites-moi, je vais recommander une tournée, ça vous tente ? Eh, c'est un vieillard. Pardon ? Ouais, il t'a dit ça. Ouais, ouais. C'était pourtant clair. Je comprends pas ce que vous dites. Le faire répéter ne te fera pas mieux comprendre ce qu'il dit. Il avait l'air plutôt d'accord, mais doute qu'il ait moyen d'accepter beaucoup de coups gratuits ou pas. Et alors qu'il se retourne comme ça vers toi, est-ce que tu lui dis ? Entre un homme dans la taverne. Alors qu'il entre, le brouhaha s'arrête un petit peu et les gens regardent. Donc vous voyez un bel homme blond, une trentaine d'années, long manteau, qui est coiffé d'une casquette de capitaine de navire, qui rentre attirant pas mal de regards, notamment ceux de la gente féminine. Le vieillard, justement, qui est à côté de vous, arrive à l'aperçoit et il se lance plus ou moins vers vous. Encore ce foutu marin qui rentre de voyage, je vous jure. Les gars du coin ont beau le voir une ou deux fois par semaine, ils se lassent pas de lui poser plein de questions connes. Uh-huh. Et vous savez quel voyage il fait, ce petit capitaine ? Capitaine Jacob Anderson, un marin d'eau douce qui nous pique le peu de donzelles qu'on a dans le coin. Si ce macro n'était pas là, elle tomberait toute dingue de ce bon vieux Joseph. Comprenez rapidement que le bon vieux Joseph, ce doit être lui. Oui, effectivement. Il vous lance un large sourire édenté. C'est alors que l'homme derrière, avec les lunettes, qui lisait son livre, se lève et quitte l'établissement. Ben personnellement, je vais me lever et me diriger vers le capitaine, sans vouloir me diriger vers lui expressément et faire le bon gros coup classique de « Oh, excusez-moi !» Un petit peu trébucher devant lui, question d'établir un contact physique. Les autres, voulez-vous faire quelque chose de particulier ? Je vais chercher une tournée supplémentaire pour le vieillard, j'ai bien envie de le faire parler. Ok. Patrick, Karl ? On se connaissait d'avant ou... Non, vous ne connaissiez pas forcément d'avant, mais du coup, vous avez eu quand même un voyage relativement long en calèche. Vous avez pu... Voilà, c'est vos noms... Vous pouvez maintenant décider, oui, ça, je vous l'avais dit, enfin voilà, j'avais pas de souci avec ça. À vous de voir ce que vous avez pu dire aux autres ou pas. Donc vas-y, je t'en prie, Patrick. Eh ben donc, et vous, Karl, j'imagine que les 25 livres ont quelque chose à faire avec votre présence à Sazon Hill, mais est-ce la seule ? C'est la seule, oui. Nous sommes toujours à la recherche de financement, vous le savez. La médecine de rouille a besoin de financement. Et vous savez que l'épidémie est toujours en cours. Hein, donc, Oui, et c'est un médecin... il y avait deux types de médecins, me semble-t-il. Les médecins de la couronne et les médecins de cuir. Ouais, d'accord. Et les médecins de cuir, eux, ils se débrouillent tout seuls sans... C'est ça. Tout à fait. Et sauf erreur, moi, je suis un médecin de la couronne. J'ai rien contre le cuir et la moustache, mais ce n'est pas... Ah, d'accord. Je n'ai pas trouvé de mention spécifique dans ma feuille de perso. Mais que le samedi soir. Vous êtes à cuir ? D'accord. Et je vais prendre, mettre un terme assez abruptement à la conversation et je vais me diriger vers le bar. Kira, du coup, tu t'approches du capitaine, donc tu vois qu'effectivement, il y a pas mal de monde autour de lui qui est en train de lui parler, de lui poser des questions, d'écouter ses longues réponses. Donc, il était un peu difficile d'attirer son attention, mais effectivement, si tu le souhaites, tu peux me faire un jet de séduction, par exemple, ou d'autres... compétences que tu jaugerais appropriées. Non, séduction me semble pas mal, surtout que le but est de faire, si pas un contact physique parce que c'est trop loin, au moins un contact visuel pour qu'il me remarque. Ouais. Et c'est donc un 13. Donc sur 44, ça fait 3 de réussite positive. Ouais. Donc écoute, une belle marge. Donc effectivement, écoute, il te remarque sans interrompre, on va dire, ce qu'il était en train de dire ou quoi que ce soit. Tu sens que son attention, son regard, son discours même va être plus dirigé vers toi. Tu vois, il se tourne un petit peu à gauche et à droite pour parler à l'assemblée. Bon, c'est un grand mot, mais... Voilà, l'assemblée de personnes autour de lui. Mais tu sens qu'effectivement, cette attention est un petit peu plus dirigée vers toi. Il t'a effectivement remarqué. Et tu intègres facilement le cercle de des personnes qui l'écoutent et qui le regardent. Une fois que je suis sûr qu'il m'a repéré, en tout cas, je m'éloigne un petit peu de la foule. J'écoute pas ses histoires outre mesure. Je vais me positionner, je retourne à la table avec mes compagnons de route pour terminer mon thé. Mais l'objectif était de simplement attirer son regard. Bah, avant que tu te détournes, il arrivera à t'approcher suffisamment pour directement t'adresser la parole. Yo, vous êtes nouvelle ici, vous avez quelque chose de lointain. Vous savez, la vie au village est plutôt tranquille, les gens sont sympathiques, les serveuses accueillantes et le torboyau vous file une gueule de bois phénoménale. Tout ce qu'il vous faut pour passer un joyeux séjour. Mais vous m'excuserez quand tu voyais que tu étais prête à partir, m'excuserez, mon auditoire m'attend. Oh. Et donc, il se retournera avec un dernier coup d'œil vers toi, un sourire enjôleur ou enjoliveur, et voilà, retournera à son parterre d'adorateurs. Je lui rends son sourire, hein, je bats des cils, entre guillemets, ça fait très, très jeune fille docile et charmée par le brave homme. Le beau capitaine. Et je le laisse revoguer à ses occupations tout en me redirigeant vers la table de mes compagnons. Quoi. Ça marche. John, ton cul. Passe un petit peu de temps avec le vieux Joseph, hein, en payant encore un coup ou deux à boire. Il finira par te lâcher que dans la grosse mare de flotte qui est à côté, là, il y a des gros monstres marins qui dévorent les gens vivants et qui rejettent leurs carcasses à la surface. Si, je te jure. C'est mon ami, la reine Victoria, qui me l'a dit. Ah, vous parlez comment à la reine, mon cher ? Comme à une amie. Oui, quel moyen utilisez-vous ? Ma bouche. Et donc, vous dites que la reine se déplace ici pour avoir une conversation tête-à-tête avec vous ? Je ne peux en dire plus, c'est la reine, quand même. Bon, Joseph. Un certain respect, un certain secret, oui. C'est que je le regarde avec des yeux, mais froids, sévères. Il ne semble pas le remarquer. Il pense que tu gobes son boniment. Ah, c'était un boniment, mais je le croyais. Pardon, j'en ai peut-être trop dit. Spoiler. Karl, tu t'es levé, mettant un terme un peu abrupt à ta début de conversation que tu avais avec Patrick. Mais oui, mais ce que je peux pas dire à Patoche, même s'il est fort sympathique, c'est qu'en fait, je viens ici parce qu'un ancien docteur Bright... Hein. Mais pourquoi me le révèles-tu ? Moi, je ne veux pas le savoir. Si tu ne le dis pas à eux, pourquoi le dire à moi ? Très bien, c'était pour nos auditeurs, mais après tout, tant pis pour eux. Peut-être que quelqu'un d'autre arrivera à te soutirer des éléments. Peut-être, nous verrons. Peut-être. En tout cas, je me dirige donc vers le comptoir et je m'adresse au barman ou à la barwoman. Et je lui demande si le Dr. Bright serait dans les parages. Dr. Bright ouais, il a dû... Oui, bien sûr, il s'est installé... C'est installé ici, oui. Et il n'est pas là, là. Il doit être chez lui, probablement. Est-ce que vous pourriez m'indiquer où il habite ? C'est un vieil ami, j'aimerais lui rendre visite. Oui. Il t'indique qu'il est plutôt vers la sortie du village, vers le nord-est. C'est bien aimable. Je lui... C'est quoi le prix d'un verre ? Peu importe, tu as assez d'argent pour payer. Oui, bah je lui verse un petit pot de vin pour le remercier de sa générosité. Du coup, tu délies sa langue, il te parle un petit peu du village et des alentours. La rouille a commencé à gangréner ce pauvre patelin, vous savez. Même si les gens ne le savent pas encore, ils sont déjà condamnés. J'ai le pif pour ce genre de choses, mais bon, vous n'êtes pas obligé de me croire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Vous le saurez. Ce serait bien assez tôt, on entend des choses, des rumeurs, et justement le docteur Bright, je pense, a fort à faire en ce moment. Écoutez, je suis moi-même médecin de rouille. Tout ce que vous pouvez me dire nous aidera à endiguer l'épidémie, avant qu'elle ne se répande trop. Je vous dis, je ne sais pas grand-chose, mais il y a des signes. Il se touche l'arête du nez avec son index. Très bien. Patrick, qu'est-ce que tu fais toi pendant ce temps-là, une fois que Karl t'a quitté ? J'essaie de voir si dans l'auberge, il y a quelqu'un d'autre que Joseph que je pourrais connaître. Pour aller, Ouais, d'autres personnes, effectivement. Ton but, c'est quoi ? C'est plutôt de trinquer tranquillement et de prendre éventuellement des nouvelles du village. Mais plus sur le ton de la conversation, quoi. Enfin, voilà, pour savoir ce qui s'est passé depuis que j'étais là. Jette-moi un D6. Jette-moi deux D6. Et je les additionne ? Non. 5 et 3. Ok. Tu passes un petit peu de temps, effectivement, à retrouver certaines personnes que tu connaissais, plus ou moins. Il y a un pêcheur, Clark, t'accueille, qui te reconnaît, qui discute un peu avec toi. Tu dis, je crois bien que ça fait... En discutant de choses et d'autres. Je crois bien que ça fait quelques jours qu'on n'a pas vu Monsieur Davis, le maire. Que t'as connu, enfin voilà, tu savais qui c'était, t'as pas frié avec lui, mais tu connais son nom. Si vous voulez mon avis, le brave homme est mort. Mais ça, personne ne le dira. Encore un complot de ceux qui regardent d'en haut. Tu sens les guillemets quand il dit ça. Si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon. Un peu plus tard, tu retrouves Jack Lebeau, un ivrogne, devenu ivrogne, mais t'es beaucoup moins quand tu l'as connu. Pareil, qui va discuter un petit peu de tout et de rien avec toi. Les gens sont tendus en ce moment au village. Les marins qui reviennent de mer cherchent la castagne pour un regard de travers. Les enfants sortent plus. Les matrones pleurent pour un oui ou pour un non. Bref, si tu veux mon avis, tu reviens pas au bon moment. C'était mieux avant. C'est que là, c'était mieux avant, mais de toute façon, c'était le moment où je revienne. Karl, toi qui es resté un peu au bar, tu te retournes vers le bar, tu vois que le capitaine s'est désormais assis à une table, entouré d'une dizaine de personnes. Son auditoire semble s'émerveiller de ses paroles. Et c'est alors que l'écho de la cloche se répercute dans l'ensemble du bar, faisant carrément trembler le verre des fenêtres et des chopes à moitié entamés. Vous êtes tous relativement habitués à ce spectacle surréaliste. Toutes les personnes présentes dans la pièce se lèvent comme un seul homme et rejoignent silencieusement la sortie. Vous voyez que le temps s'est un peu amélioré, il ne pleut plus, même si l'ambiance est quand même très grisâtre. Le capitaine semble avoir totalement disparu dans la masse. Une voix féminine et métallique retentit dans toute la ville, semblant sortir de haut-parleurs fixés aux quatre coins de la place principale, qui diffuse un message en boucle. « La foi caréenne vous appelle. Il est l'heure de vous livrer à la grande créatrice. » C'est effectivement l'heure d'aller à l'église. Vous êtes sinon très croyants, tous en tout cas habitués à ça et à aller vous rendre à l'église. Vous êtes plus ou moins entraînés d'ailleurs par la foule. Après, vous pouvez décider de ne pas vous y rendre individuellement, mais la plupart d'entre vous sont certainement croyants. Dites-moi donc. John ira. Ok. Patrick y va, mais ça a l'air de... Enfin, je pense que c'est plus de l'habitude, je dirais. Qu'une réelle oui. Dévotion. C'est ça. Kaira ? Je vais suivre le mouvement de la foule. On ne sait pas très bien si c'est de la croyance ou pas. Je me mêle simplement à la foule et je suis le flux. Ok. Karl ? Moi, j'ai vu trop d'horreurs causées par la rouille pour vraiment adhérer à toutes ces croyances, mais pour me noyer dans le... Parce que c'est mal vu, donc pour me noyer dans la masse, je vais y aller et j'espère repérer ce bon vieux Dr. Bright dans l'assemblée. Vous apercevez donc une centaine de personnes en train de s'amasser dans la bâtisse, vous y compris. Vous remarquez même que beaucoup ne peuvent pas entrer, en fait, et restent à l'extérieur, plus ou moins devant l'église. L'église qui est bien petite, elle est... Hop, je vais vous montrer sur la map. Elle est ici. Oui, effectivement. Ah, je pensais naïvement que c'était la grosse maison. Et non, l'auberge était ici, bien plus grande que... Bien plus grande que le... Que l'église. Que l'église. Qui est révélateur. Oui, c'est ça, c'est un signe, quand même. Donc vous vous installez, voilà. L'intérieur est totalement délabré. Peinture des murs écaillée, les bancs craquent, semblent menacés de se briser sous le poids des fidèles qui s'y assoient. L'air semble saturé d'humidité. Une longue minute de silence suit votre installation. Le technodiacre donc apparaît au centre du chœur, devant un large pupitre de bois. Commence ainsi son discours devant une assemblée qui est disciplinée, silencieuse. Hein, rien d'inhabituel hein, dans cette Angleterre. De 1886. Même le poivreau qui était assis à côté de vous, Joseph, calmement assis au premier rang, regarde le prêtre avec les yeux d'un enfant qui attend son histoire. Le père Williams, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, toi notamment Patrick, tu sais, sa voix commence à retentir dans l'église. « Chers frères, chères sœurs, la grande reine sacrée vous accueille en son sein. Écoutez sa parole et soyez lavés de tous vos péchés. Entendez sa raison et cheminez sur la route de l'excellence. » Embrassez sa foi et éveillez-vous à une nouvelle strate de la vérité. Que notre reine soit avec vous. Et bien sûr, en même temps que la foule, vous répondez en cœur et avec votre esprit. Le prêtre continue ainsi son office, en rappelant bien évidemment la grandeur de la reine, son lien évident avec le Tout-Puissant. Beaucoup de ferveur dans son discours, qui traîne en longueur, devient bien évidemment assez vite ennuyeux, sauf pour... les plus croyants d'entre vous, donc probablement John, qui suit ce discours avec une certaine attention et un certain plaisir. Pendant qu'il parle, vous voyez un drone de surveillance qui fait son apparition depuis le déambulatoire, donc qui volette à droite à gauche, qui passe en vrombissant non loin de vous, s'arrête parfois pour regarder une des personnes de l'assemblée, parfois vous peut-être, et passe ainsi de l'un et de l'autre. Faites-vous quelque chose de... Un effort de ma version pieuse à ce moment-là, bien entendu. Est-ce qu'au niveau de l'assemblée, est-ce qu'on est plus sur une assemblée très calme et très studieuse, entre guillemets, même si elle est ennuyée, ou on est plutôt sur un truc avec une foi assez exacerbée, avec des alléluia qui volent toutes les 5 minutes et genre... exorcisme dans des églises à l'américaine. Non, on est plutôt sur vraiment quelque chose d'assez calme, d'assez pieux. La foule ne te semble pas particulièrement ennuyée d'ailleurs. Hein. Peut-être aperçois-tu quelques bâillements ou autres, mais ça reste rare. Non, tu sens que les gens sont plutôt dévots et suivent. Ils suivent le prêche avec un certain plaisir. Ok, moi j'essaye de, pendant ce temps-là, comme je regarde justement comment se comporte la foule, je regarde un petit peu les gens qui sont présents, si je vois qu'il y a des places parfois réservées pour des autorités quelconques, s'il y a une logique dans le placement des gens dans l'église. J'essaye simplement de comprendre l'environnement, la hiérarchie du village, entre guillemets. N'en vois pas particulièrement, comme je te disais tout à l'heure, même le vieil ivrogne est au premier rang, tu pourras peut-être entendre entre deux phrases empoulées du père Williams que la foule, enfin une personne dans la foule qui dira oh, tiens, monsieur Davis n'est encore pas là aujourd'hui, le maire donc. Il semble absent. Tu peux remarquer quand même le shérif qui porte son uniforme malgré un certain embonpoint qui est bien présent. Le capitaine Anderson que tu as rencontré plus tôt qui est là également. Mais semble-t-il le maire qui en plus le maire bon tu pourrais presque le voir toi-même. Alors c'est un peu difficile, il faut que tu te tordes un peu le cou, mais les maires ont en Angleterre une espèce de costume de tenue un peu officielle et tu ne l'aperçois pas. Toi John, tu le vois, enfin, ça te saute un peu aux yeux, en tout cas au bout d'un moment, peut-être pas tout de suite, mais tu dis tiens voilà, le maire n'est pas là, ça n'est pas pour toi pas normal, c'est l'autorité normalement dans ce village et son absence est pour toi un indicateur un peu inquiétant quoi. Il y a des questions qui vont devoir aller se poser. Une vingtaine de minutes qui passe pendant ce discours. Si vous ne faites... Enfin voilà, parce que vous avez des questions, je passe à la... Non. À la suite, à vous de me dire. Non. Non, c'est bon. Non, pour moi aussi. Rien de plus. Donc voilà, le discours se termine. La foule répond comme il se doit, quand elle le doit. Les gens se lèvent, vont faire quelques génuflexions. Et la foule se disperse ensuite assez vite aux quatre coins de la grande place qui se trouve juste au sud de l'église. Vous entendez bien vite les gens parler du grand marché. Car effectivement, aujourd'hui, c'est le jour de la semaine où se déroule le grand marché devant le port. Et vous voyez une grosse partie de la foule, hein, la plus grande partie de la foule, qui semble se diriger effectivement vers ce marché. Que faites-vous ? Moi, je vais aller vers la mairie, ou le bâtiment officiel. C'est le bâtiment qui est au centre. Ouais. Tu le comprends assez vite. Hein. Ça m'inquiète que le maire ne soit absent, donc je vais aller mener mon investigation. Je suis John. Bon, c'est quand même assez inquiétant, cette situation du maire depuis quelques jours. Ok. Les autres ? Kaira, moi, je vais essayer d'intercepter à la sortie de l'église le capitaine Anderson, qui peut-être, du coup, attire un peu moins l'attention des gens, pour faire un bout de chemin avec lui. En direction du marché, s'il se dirige vers le marché, ou voilà, simplement pour pouvoir discuter un peu plus. Eh bien, tu le temps de sortir de l'église, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et tu ne retrouves pas le capitaine Anderson. Il semble avoir disparu. Peut-être s'est-il dirigé vers le marché, effectivement, peut-être ailleurs. Là, tu ne saurais dire. Bah, du coup, alors, si je vois John et Patrick se diriger vers la mairie, je cours un petit peu pour les rattraper en faisant « Messieurs, attendez-moi, je viens avec vous. » Vous aviez indiqué votre volonté d'y aller ou vous étiez juste parti comme ça, bille en tête, John et Patrick ? Non, moi, j'étais parti bille en tête. Ok. Moi aussi j'ai croisé, en sortant des listes, j'ai croisé des membres du groupe, je leur dis que je pars pour la mairie pour vérifier effectivement par rapport à la disparition du maire. Ok, Karl ? Je leur dis que je les rejoindrai plus tard et je me dirige vers le domicile du Dr. Bright. Cette histoire de disparition, ça commence à puer et généralement, c'est mauvais signe. Ok. Je m'attends à avoir du travail. Donc bah, tu te diriges vers le nord-est, tu regardes les maisons et en fait tu ne vois aucun signe particulier qui pourrait t'indiquer où se trouve la maison de cet homme. Je laisse réfléchir et je retourne voir nos trois autres amis. Donc vous arrivez à l'hôtel de ville, vous voyez un grand bâtiment, sophistiqué, plus sophistiqué que les autres habitations, hein, pierre. Donc c'est un des seuls bâtiments à bénéficier d'une structure de pierre, manifestement, en tout cas quand vous regardez... Vous n'en voyez pas vraiment d'autres autour. Sur deux étages, entouré, comme vous le voyez sur la petite carte, entouré d'un muret de pierre avec cette espèce de chemin qui amène jusqu'à l'entrée. Hein, je m'avance d'un pas décidé vers la porte d'entrée. Ok, hein, j'imagine. Et un homme ouvre assez rapidement, se présente, Miller, c'est un domestique manifestement. Messieurs, dames, bonne journée. Puis-je m'enquérir de la raison de votre venue, s'il vous plaît ? John Shepard, de la Royal Army, et voici mes compagnons. Je suis à la recherche du maire. Ah. Oui, alors je suis désolé, mais le maire a laissé des consignes très strictes. Il ne peut voir personne, à l'exception du Dr. Bright ou du shérif McGregor. Vous êtes en train de dire que vous refusez de recevoir quelqu'un de la Royal Army ? Je suis en train de vous dire que monsieur le maire a laissé des consignes très strictes et qu'il est malade. Vous êtes donc en train de contester l'autorité de l'armée ? Tu n'as pas vraiment d'autorité ici, tu es une armée, il n'y a pas de soldat, tu n'as pas un soldat en face de toi. L'autorité le réel n'est pas vraiment là, mais ce qui ne t'empêche pas de d'essayer de d'intimider effectivement l'individu. Ah oui, je tente l'intimidation. Quand j'ai lu le lore, il y avait marqué que ceux qui étaient pas d'accord, on les déportait. Oui, non mais voilà, je voulais juste qu'on soit clair sur ta réelle ton réel pouvoir sur le village quoi. Mais pas de souci. Donc il bredouille hein, que le maire est malade. Peux-tu me faire un jet de quoi? C'est quoi, c'est intimidation? Oui. Et c'est un échec. Intimidation, j'avais 33, j'ai fait un 60. Je comprends tout à fait, hein, monsieur Shepherd, mais je comprenais, monsieur le maire est malade, c'est impossible pour lui de recevoir quelqu'un. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec la Royal Army ou avec notre reine, hein. Comprenez bien. Je suis désolé. Votre nom? Peut-être plus tard, je... Oui, monsieur Miller. Je parlerai à monsieur Davis. Tu vois que je sors un calepin, mm-hmm. toute une plume, je prends une note comme ça devant monsieur Miller, referme mon calepin, je remets dans ma poche, je reviens avec le shérif. Referme la porte d'un air désolé, avec une petite goutte de sueur qui perle sur son front. Avant qu'il ferme la porte, est-ce que j'ai pu l'apercevoir à l'église où il y avait trop de monde et c'était impossible de le reconnaître? T'as le maire? Ah non, monsieur Miller? Non, Miller, oui. Non, il n'était pas à l'église. Donc avant qu'il ferme la porte, j'interromps, je fais « Excusez-moi, mais nous n'avons pas eu le plaisir de vous voir à l'église pour l'office ?» La porte est maintenant refermée. Très juste, madame Fischer. Disons que je pense qu'une petite prière aurait peut-être pu aider la maladie de ce bon vieux maire. Il est vrai, je prierai pour lui. Mais c'est quand même bizarre qu'il soit pas venu et qu'il soit pas fait représenter, monsieur le maire, là. C'est carrément étrange. Tout à fait. Et que personne ne soit au courant, personne d'autre dans le village ne soit au courant qu'il était malade. Karl, tu croises une dame d'un certain âge avec son panier qui semble se diriger d'un pas... assez vif là où par rapport à là où tu es vers l'église quoi, tu vois, vers le emprunt de cette rue là dans ce sens là en tout cas. D'accord. Mais écoute, j'essaie de l'interpeller. Oui. Elle a quitté une des maisons d'ici quoi. Oui, alors peut-être un peu plus loin dans la rue, t'as pas trop fait gaffe mais. Oui, d'accord, ouais, mon quartier. Écoute, j'essaie de l'interpeller et en même temps je vais sortir ma montre rouillée. Mm-hmm. Je sais pas s'il y a besoin que je l'active ou juste elle est en veille tout le temps, mais je cherche un... Non, elle est plus ou moins activée tout le temps, ouais. D'accord, ok. Bon, j'ai pas besoin de la sortir alors, mais je me dis que je cherche un médecin. Ah, Dr Bright Si je trouve de la rouille, je trouverai le médecin. Tu te posais la question, je croyais que tu posais la question à elle. Ouais, non, j'expliquais pourquoi je sortais ma montre. D'accord, oui. Je me dis qu'en trouvant de la rouille, je trouverai mon médecin, mais... Vaut mieux pas, hein, en tant que médecin de rouille, vaut mieux pas avoir de la rouille sur soi, mais mauvais signe. Je me dis qu'il serait peut-être pas loin, mais effectivement. Mais bon, en tout cas, j'interpelle la voisine. Oui, monsieur. Oui, bonjour, madame. Monsieur Vorman, docteur Vorman, je cherche mon confrère, docteur Bright, s'il vous plaît. Ah, docteur Bright, il est certainement au marché. Il y va régulièrement pour acheter des produits. Vous le trouverez probablement là-bas. Je m'y rends moi-même. Je vous y amène, si vous voulez. Bah, c'est très gentil. Pourriez-vous, juste avant, m'indiquer son domicile, s'il vous plaît? Oh, il est par là-bas, elle avance, hein, voyant que tu... il est par là-bas, elle tend le bras, un peu plus loin. C'est la maison avec les volets marrons. J'imagine que toutes les maisons ont des volets marrons. Bingo. Eh bien écoute, je vais suivre cette dame, puisque je ne suis pas très avancé. Et donc en remontant la rue, tu finis sans doute par croiser, ou du moins apercevoir... John, Keira et Patrick, qui ont peut-être reculé vers la rue, je ne sais pas, mais qui sont en train de discuter. Bien, je leur demande ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'allez pas voir le maire? Ah, monsieur Vorman, nous avons un léger problème. Pour pouvoir entrer dans la mairie, nous devons... Le maire a donné des consignes strictes et refuse que nous rentrions dans la mairie, étant donné que les seules personnes qui peuvent voir, vu qu'il est malade, c'est le docteur Bright ou le shérif. Ah, mais s'il est malade, c'est un travail pour moi. On va tout de suite voir cette très aimable personne qui vous a poliment éconduit. Je pense qu'il faut mieux aller chercher le docteur Bright. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il nous a rejetés sans autre forme de procès parce que nous n'étions ni Bright ni le shérif. Eh bien, écoutez, j'ai justement une piste pour mon confrère, le docteur Bright. Il serait sur le marché. Et allons-y. Et si on ne le trouve pas, lui, on trouvera le shérif. Vous savez, il est un peu bedonnant. Peut-être assez facile à repérer. Il est allé vers le marché, donc? Oui. Yep. Oui. Tout à fait. Donc vous vous approchez du port où effectivement ont été montés des étals. Pas mal de monde, hein. La plupart des gens se sont dirigés vers le marché, et sont en train de faire leurs emplettes. Alors que vous vous approchez, vous commencez à regarder un peu autour de vous ce qui se passe et ce qui pourrait tirer votre attention. Vous entendez des cris étouffés qui semblent provenir d'une ruelle à côté de laquelle vous passez. Il faudrait tourner à un angle pour voir ce qui s'y passe. Ou ignorer ces bruits et vous rapprocher du marché. Ouais, je tourne à... Ah bah non, on va pas ignorer les bruits. Oui, moi non plus. Donc vous vous approchez, tous ? Moi personnellement, non. Je reste un peu à distance. Si les hommes veulent s'approcher, c'est très bien, mais non merci. Donc les hommes s'approchent. John aussi, tu t'approches ? Oui. Ouais. Donc vous vous approchez sans vous presser, sans faire de bruit non plus, mais sans plus vous cacher. Vous passez cet angle, et effectivement, au-delà, vous voyez une ruelle assez étroite, un homme par terre en train de se faire tabasser par deux marins, qui semble avoir un peu trop bu. L'homme à terre est celui qui se trouvait à votre table, le jeune homme silencieux qui lisait son livre. Mmh. Et vous, arrêtez tout de suite ! Les deux hommes se retournent. Eh, malandrin ! Qu'est-ce que vous avez ? Vous fermez là, laissez-nous tranquille, étranger ! Et commence à se rapprocher de vous, l'air assez agressif. Je sors mon pistolet et j'y haut les mains. Coup de lapin. Wow. Et ne bougez plus. Il y en a un qui te lance sa bouteille de mauvais alcool dessus. Ah oh bah je tire. Sûr ? Sur le mec qui m'a lancé la bouteille d'alcool dessus. D'accord, j'allais dire que la bouteille te passait très largement au-dessus, mais très bien. Ouais, j'ai dit halt, haut les mains, m'appelle, écoutez, je tire. Première sommation. Je répète que tu n'as... Avant que tu appuies sur la gâchette, hein, tu me permettras de te rappeler que tu n'as pas d'autorité, et tu n'as pas... Enfin voilà, ouvrir le feu reste un acte, comment dirais-je, criminel. Oui, une agression sur un officier de l'armée aussi. Enfin pardon, sur un soldat de l'armée aussi. Eh bien, écoute, fais ton jet. Tu ajouteras 10% à celui-ci, puisque l'homme en face de toi est sacrément éméché. 67. Ça passe en dessus. Avec ton 10%, ça fera 55. Le coup de feu, donc tu rates de 1, quoi. Enfin, d'un... 1 degré, ouais. Ouais, 1 degré. Donc le coup lui passe au-dessus, mais pas très au-dessus. Probablement que son galure est emportée par la balle et tombe un ou deux pas derrière lui. C'est bon, pas plus se marrer ou quoi. Et donc vous voyez que les deux hommes lèvent les mains en signe de reddition quelque part, hein, et passent à côté de vous, le moins à côté possible de John, hein, bien sûr, et vont se tituber ailleurs. Monsieur Ace, vous connaissez ces personnes, hein. Sauf si bien sûr vous voulez faire quelque chose. Shepard, votre précision est légendaire. Et c'est ce qu'on appelle un coup de sommation, madame... Monsieur Vorman. Docteur Vorman. Pardon, excusez-moi, docteur Vorman. D'ailleurs, c'est quoi ton grade déjà ? Parce que je voulais le dire, mais je n'ai pas retrouvé. Il n'y en a pas. Ah ! Troufion Shepard, s'il vous plaît. Troufion Shepard, votre précision est légendaire. J'allais dire commandant Shepard, mais j'aurais été obligé de dire cette auberge est ma préférée de Don Hill. Non, ça n'est pas celui-là. On n'est pas dans le bon jeu, non. Mass Effect, non ? Mass Effect. Bonjour, je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Et alors que vous lancez des banalités sur vos titres respectifs, au moment où vous vous retournez vers l'homme qui se faisait lyncher, il n'y a plus personne. Bah, c'est con, j'aurais pu lui en mettre justement du désinfectant à lui proposer. Tu vois que je lance une injure. Mais putain, tout le monde disparaît ici. Petit peu de mercurochrome. Hein. Bon, tâchons de trouver le shérif. Et alors que vous vous retournez, vous tombez sur le... Toi, Kaira, t'as pu peut-être l'apercevoir. Le capitaine Anderson, que tu cherchais tout à l'heure, qui est là, et qui s'approche de vous, qui semble avoir vu ce que vous avez fait. Bah, des fois, il a entendu le coup de feu. Messieurs, bravo. Si tout le monde était comme vous, le pays aurait beaucoup moins de problèmes. S'approche de vous et vous tape sur l'épaule en vous serrant la main. Et avec chaque poignée de main s'accompagne de 10 livres. Ça fait plaisir. Je vais vous demander à chacun un test de lucidité, s'il vous plaît. Pour Kaira aussi, ou comme moi j'étais entre guillemets plus loin, hein. Si tu me dis que tu t'es approché en le voyant arriver, ça peut. J'ai fait 100. Ça peut. T'as fait 100. J'ai fait 0-0. Ah, c'est foiré. Donc... C'est un échec critique. Ah, je suis en feu là, j'ai fait 0,8 moi. Ah. Non, les échecs, c'est quand tu. Enfin, les critiques, c'est quand tu fais des doubles. Tu es pas très lucide. Oui, enfin, l'échec critique, c'est quand tu fais un double. Bah, 0,0, ça reste un double. 0,0, c'est un double, non? Oui, c'est vrai. Si j'en fais 3, je peux sortir de prison. Ah non, merde. C'est pas ça. Et échec pour moi aussi. 82 pour 30, pour 31, donc échec de 5. Échec de 5. On est courageux, mais pas lucide. Et moi, réussite de 2, alors. Ouais. 79, ça fait échec de 4 pour moi. Heureusement, il y en a un qui s'ouvre le groupe. Et je cherche, il est où, lui? Il est là. Voilà, et lui, échec de 2. Donc, qui a fait mieux que échec de 2? Patrick, c'est tout? J'ai fait une réussite de 2, ouais. Ouais, mais je crois que les autres ont tous fait pire. Toi, écoute, tu sembles déceler une certaine pointe de sarcasme dans cet acte de générosité, dans les paroles qu'il vous a lancées. Mais bon, voilà. Ouais, je le surveillerai de plus près dorénavant. Ah bon, voilà, en tout cas, il se détourne et puis retourne vers le marché. Vous verrez deux policiers s'approcher, effectivement essayer de comprendre ce qui s'est passé suite au bruit du coup de feu. S'approche de toi, Shepard, te voyant peut-être encore avec ton pistolet en main. Bon, je les rengainais quand ils sont passés à côté. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, bien, des malandrins ont essayé de s'en prendre à une personne. Le problème est désormais réglé, il n'y a aucun blessé, aucun mort. Maintenant que vous êtes là, j'ai une... C'est un coup de feu que nous avons entendu? Oui, l'une des personnes avait un pistolet. Ouais, la prochaine fois, venez plutôt chercher la police. Eh bien, tout à fait, c'est... Moi, je vous cherchais, vous, par le plus grand des hasards, je cherche le shérif. Une affaire assez importante à traiter avec lui. Eh bien, vous pourrez sans doute le trouver à la caserne. La caserne se situe près de la sortie sud du village. Parfait, merci. Avant que, au moment où le capitaine Anderson partait, j'ai possibilité de lui courir après pour essayer de lui attraper le bras ou quelque chose comme ça en faisant « Permettez que je partage un petit bout de chemin avec vous. » Oui, bien, si vous le souhaitez. Oui. Bah, je suppose qu'il va vers le marché, c'est ça? Oui, bah là vous y êtes, hein, vous étiez à deux pas de l'entrée, hein, donc vous y êtes, hein, effectivement tout un tas d'étals, beaucoup de poissons évidemment, hein, principalement du poisson, mais pas que. Il a déambulé un petit peu dans le marché, regarde à droite à gauche, surtout salué, tu vois qu'il est peut-être beaucoup là pour le paraître, plus qu'autre chose. Bah, j'en joue aussi, hein, j'hésite pas à lui passer la pommade. Ouais. Quel plaisir, je pensais qu'en me perdant dans ce village complètement oublié, je ne pensais pas tomber sur quelqu'un d'aussi agréable que vous, capitaine. C'était un véritable plaisir d'avoir fait votre rencontre. Ah, le plaisir est partagé, mais que faites-vous donc ici vous-même, hein? Bah écoutez, je suis de passage, je voyage, voilà, je veux voir des nouveaux horizons, la ville ne me plaisait guère et je cherchais à pouvoir rencontrer d'autres personnes, de belles personnes comme vous, pourquoi pas. Sûr, bah écoutez, moi je ne suis pas ici pour longtemps, hein, je dois bientôt, bien sûr la mer m'appelle, hein, donc je devrais repartir prochainement, mais vous êtes la bienvenue, je peux être votre guide dans ce charmant petit village de Donne. Ah bah ce serait avec plaisir si vous avez de beaux lieux à me faire visiter et pourquoi pas même votre navire. J'ai toujours eu une passion pour les bateaux. Et donc vous déambulez comme ça dans le marché, va te présenter, te dire voilà, non là cet étal là c'était pas un bon pêcheur. Enfin bon, il te décrira un peu à sa sauce les habitants et du village quoi. Oui, l'objectif est juste de prendre un max d'infos pour un peu voir s'il y a vraiment des choses intéressantes, tout en étant en lui faisant plaisir, entre guillemets, en jouant là-dessus. Bon, il est probablement pas dupe, mais ça c'est pas mon problème. Il te dira pas grand-chose, te demande s'il y a grand-chose d'intéressant d'ailleurs à dire, sur ce marché en tout cas, sur cet aspect du village. Les autres, qu'est-ce que vous faites? On fait le tour du marché en cherchant le médecin. Et donc vous tournez, je vais vous demander de faire chacun un jet de perception. Ouais, y compris d'ailleurs, Kaira. 33. Putain, mais encore un double. C'était donc un succès critique ou un échec critique? C'est une excellente question. À laquelle j'aimerais répondre. Je me remercie de l'avoir posé. J'ai 44 sur 100. Donc 33, c'est une réussite critique. Et tout à fait une réussite critique. 62 pour moi avec un échec de 3. 5 pour moi, ça fait une réussite de 3. Moi, un échec aussi. Ils sont un peu pourris, les légers sur Discord. C'est la faute à Discord. Discord n'est pas fan des joueurs. Il n'est pas fan de ses joueurs. Pas un bon MJ. Vous entendez néanmoins tous un long cri d'effroi féminin qui vous sort un peu de vos recherches. Kaira et Karl, vous réagissez immédiatement, hein, votre adrénaline prend un peu le dessus et vous commencez à faire quelques pas, vous entendez autour de vous des rumeurs. Oh, c'est le stand de Beauregard. Toi de ton côté, Karl, quelque chose se passe au niveau du vieux port. Et effectivement, vous repérez assez facilement d'où proviennent les cris. John, Patrick, vous entendez bien évidemment vous aussi les cris, mais voilà, il faudra un peu plus de temps, la réaction se fait plus lente autour de vous, vous entendez des gens parler, mais vous comprenez pas tout de suite, donc voilà, vous arriverez à atteindre cet endroit si vous le souhaitez, mais ce sera un ou deux crans derrière nos amis Keira et Karl. Souhaitez-vous tous vous rendre sur les lieux ou pas? Bien sûr, et au pas de course. Quelle est la réaction du capitaine Anderson? Interroge et effectivement commence à se diriger vers le stand. Il te lâchera le bras d'ailleurs par, je sais pas si c'est le réflexe, la surprise du cri ou quoi, mais effectivement il marche d'un pas relativement vif vers le port. Je suis ses pas quoi. À la même vitesse du coup, vu que j'ai réagi assez vite. Vers le vieux port. Mmh. Oui. Bah, dès que j'ai compris où ça se passait, bah, je dirige vers là-bas, effectivement aussi au pas de course. Pareil. Donc Karl, Keira, vous voyez un spectacle un petit peu inquiétant quand vous arrivez sur un étal, classique hein, parmi les autres, hein, diverses sortes de poissons. L'un de ces poissons est en train de se décomposer, de se transformer en une espèce de gelée épaisse, profondément noire, qui contamine le reste des poissons exposés qui eux-mêmes se dégradent en cette espèce de gelée noirâtre et coulante. Les spectateurs ont une sensation d'effroi. Vous regardez cette transformation un peu comme hypnotisée. Patrick, John, vous arrivez un petit peu plus tard, vous êtes obligés de jouer des coudes un petit peu, vous, là où Keira et Karl étaient arrivés rapidement. Vous voyez ce spectacle et ça vous prend aux tripes. Vous allez me faire immédiatement tous un jet de stress. Un jet de stress, c'est un jet sous votre force mentale. Soit vous réussissez, soit vous ratez. Ça nous évoque quelque chose, ce spectacle? Genre c'est de la roue, là, en fait, ou... Bah, pour l'instant, je vais te laisser faire le jet et on va en discuter. Allez, bam, 87. Échec. Je fais 26. 95, bon. Ceux qui réussissent encaissent le choc, hein, ça fait vraiment très bizarre et c'est, voilà, c'est très surprenant. Ceux qui ratent prennent un point de stress. Donc ceux qui ont réussi, à part avoir envie de gerber, on note quelque chose? Ceux qui réussissent, hein, y a pas de souci. Les autres, effectivement, bah voilà, ça vous met très très mal et vous prenez un point de stress. Évidemment, toi, Karl, hein, ça t'évoque immédiatement la rouille. D'ailleurs, ta montre se met à émettre un bip sonore durant quelques secondes, au moment de la décomposition du poisson. Vous entendez autour de vous hein, le murmure de la foule. Oh, c'est le fléau! La rouille est sur nous! Nous sommes maudits! Ingit va nous dévorer pour nos péchés! Le vendeur, lui, vous avez entendu potentiellement se faire appeler Beauregard, qui est désemparé, lève les mains au ciel d'un air innocent. Ce n'est pas moi, je ne sais pas ce qu'il se passe! Il y a quoi, une minute qui passe peut-être pour Keira et Karl? Vous, Patrick et John, vous êtes arrivés un petit peu plus tard. 30 secondes peut-être. Donc les gens s'attroupent, lancent des invectives comme ça, l'homme se défend. Un vieux pêcheur, borgne. Lance-moi un des 10, tiens, Patrick. 6. 6. Tu le reconnais, Nelson Fisher, mais bon, tu connais juste son nom comme ça, tu l'as pas fréquenté. D'accord que la rouille, c'est juste le feu, hein, rien d'autre pour l'éradiquer. Enfin l'éradiquer comme ça, sur une manifestation comme ça, le feu effectivement sera certainement efficace. Après, s'il contamine un être vivant, voilà, c'est déjà plus délicat, c'est pas trop quoi faire. Mais écoute, j'enfile mon masque de rouille et je commence à dire aux gens de s'écarter et d'amener du feu, justement. 5 policiers arrivent sur les lieux. L'un d'eux arbore l'insigne du shérif. Ce qui se passe ici? Oh mon Dieu! Nelson Fisher, Beauregard, le borgne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pourtant pêché ce... Et là, vous voyez un autre agent de police, moins gradé hein, que le shérif. Tu vas la fermer et nous suivre. On a quelques questions à te poser, pêcheur. Il le prend sans ménagement et le menotte. Il se retourne vers la foule. Circulez, il n'y a plus rien à voir ici. Allez, entrez chez vous. Comment vous réagissez à tout ça? Qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, je vais d'abord essayer de me masquer avec un mouchoir ou mettre ça devant mon nez, ma bouche, et ne pas m'approcher plus que ça. Puis quand je vois le shérif partir, emmener tout le beau monde, je recule, je reste pas avec la foule, je m'écarte un petit peu. On voit d'ailleurs quand le shérif arrive et commence à contrôler la situation que le capitaine Anderson s'écartera. continuera son tour, quoi. Ouais, mais je ne le suis pas. Je pars de mon côté. Je m'écarte juste de la scène, mais je garde un œil sur mes compagnons. Mm-hmm. John ? Je commence déjà à essayer de me remettre de mes émotions. Mm-hmm. Et après, dans un moment, je vais légèrement m'écarter. Je vais essayer de garder encore la scène à l'œil, mais je prends de la distance. Je me dis, il y a quelque chose. Enfin, je prends de la distance et en essayant de faire ça, j'essaye de trouver l'autre médecin parce que quelque chose comme ça, ça a dû sûrement attirer son attention. Tous les deux, vous me ferez un jet de perception avec un bonus de 20. Patrick, qu'est-ce que tu fais ? Je recule et j'essaie de réfléchir. Est-ce que la rouille se met souvent dans les pêches, en fait ? On n'a pas entendu parler, non. Après, c'est pas ton domaine non plus. Oui, mais... Mais tu peux pas dire que t'en as entendu parler. Ouais. Karl ? Eh ben, écoute, j'ai donc enfilé mon masque et je suis à chercher du feu pour éradiquer la rouille. L'agent qui a arrêté le pêcheur t'interpelle. Vous êtes sourd ? Il me semble vous avoir dit de vous disperser. Vous voulez avoir des problèmes ? Tu vois qu'à son regard, il ne fera pas d'autres sommations. Eh bien, je m'écarte. Mon cher Patrick, toi, tu veux me faire un jet de folklore. Ok. Avec un bonus de 10 points. Jordi, premier jet réussi de la soirée pour moi. All hail John Shepherd. Perception, yes. Et c'est 11 S, sans compter ton bonus de plus 20. Hein. Donc là, 11 en plus, magnifique. Oui, 11 naturel, ouais. Oui, bah de toute façon, le bonus s'applique à la compétence, un projet. Donc, Oui, c'est ça. Donc c'est un succès critique. Ouais, pour moi, c'est un échec. Oui. Et moi, c'était un succès de 3. De 3 en une pipe. Allez, j'ai fait 0,3 en fait. Ça marche. Eh bien, commençons par Patrick. Effectivement, sortir un poisson qu'elle a rouille, ouais, non, c'est bizarre. Il a été en contact avec ça, peut-être, mais effectivement, dans les océans, tout ça, bon, ça te parle pas, quoi. Vraiment pas. John, toi, tu t'es effectivement un petit peu reculé. Tu entends ton pauvre ami Karl Vormann se faire un peu invectivé par le gros balourd qui a menotté le pêcheur. Tu remarques un autre policier, un jeune homme, qui est un peu en retrait du groupe, qui observe la scène. Il te semble dépité, impuissant. Regard un peu fuyant quand il voit que tu l'as vu, il s'écarte un peu de la scène. Même si la dernière impression que tu as eue en croisant son regard, c'est une espèce d'appel à l'aide. Donc rapidement, le groupe de policiers embarque donc le pêcheur. Hein, et ce jeune policier, justement, que tu as pu voir, hein, John, au moment du départ des quatre autres policiers, apostrophe, l'agent un peu bourru, là. Ne devrions-nous pas aller avertir le docteur Bright ? Il doit savoir ce que... Boucle là, cadet ! Contente-toi de garder un œil sur cet étal et de refouler les passants trop curieux, pigé ? Le jeune homme se tait immédiatement, obéit, se poste côté de l'étal, semble un peu bouleversé, et regarde autour de lui. L'autre agent quitte les lieux, grommelant « Que faites-vous ?» Donc la foule se disperse, intimidée par la manœuvre policière. Excuse-moi, tu m'as pas dit ce que j'avais trouvé de mémoire. Tu me dis si je me trompe avec le test de perception, Jordi. Alors, je t'ai tout à fait dit ce que tu as vu. Toi, tu as vu ce jeune cadet, ce jeune homme qui était sur le côté, un peu dépité. Ah oui, pardon. Dont tu as croisé un regard implorant, un petit peu implorant. Ouais. Le même qui est intervenu là et a parlé du docteur Bright. Ok, bah je vais aller voir ce jeune cadet. Ok, donc tu t'approches du cadet, les autres ? Je m'approche de Karl. Oui, bah, qui doit être non loin du cadet d'ailleurs, s'il a bougé. Parce que t'étais pas loin de l'étal. Pareil, j'allais voir Karl. Mm-hmm. Bah, je vous laisse interagir avec Karl si vous le souhaitez avant que John arrive sur le cadet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Monsieur Vormann, mais moi je suis pas un spécialiste de la médecine, de la rouille, mais clairement j'étais pêcheur pendant de longues années et jamais on avait sorti un poisson avec la rouille sur lui. Quoi. Je sais pas ce que ça vous inspire, mais c'est quand même assez étrange. Est-ce que ça m'inspire quelque chose ? Non, t'as la même. Je sais pas faire de jet, hein, t'as effectivement la même conclusion, on va dire. Hein. Ça paraît bien étrange de sortir un poisson. Rouillé quoi, tu vois. Non, monsieur Ice, ça ne me dit rien non plus. Nous devons vérifier les alentours, peut-être ce poisson a-t-il été contaminé par quelque chose. Ouais, ça te paraît vachement plus probable déjà. Ouais. Ou par quelqu'un. Tintintintin. Docteur, voilà, c'est assez basique, mais nous avons ce problème qui vient d'apparaître. À côté de ça, un maire ouvertement malade, si je puis dire. Enfin, on ne sait pas si c'est la vérité vraie, mais en tout cas, il se fait passer pour malade. Je pense que ça fait peut-être une coïncidence de trop. Nous devons continuer à enquêter pour en avoir le cœur net, mais effectivement, Les deux événements semblent sûrement liés. Mais monsieur Hayes, vous qui êtes d'ici, vous n'avez aucun souvenir du docteur Bright, à quoi il ressemble, ou ça nous aiderait peut-être à le retrouver? Il est arrivé après mon départ, je suis bien incapable de le reconnaître. John, tu approches de ce jeune homme près de l'étal? Oui, tout à fait. Cadet, c'est une très bonne idée de chercher le docteur Bright. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut le trouver en vitesse? Je ne peux pas vous parler, vous devriez circuler. Je vais te demander, mon cher John, de faire preuve de commandement. Oui. Pour essayer de... Je te propose d'abord de lancer le dé et de voir après quel va être le RP associé. Tu vas ajouter 20 à ton jet, s'il te plaît. J'ai fait 10. 10, très bien. Écoutez, cadet, nous sommes face à une situation qui requiert un docteur et il va falloir le trouver très rapidement. Je vous laisse à partir du moment où vous me dites où je peux le trouver. Je comprends assez vite que l'intimidation ne fera que le fermer dans sa coquille, en fait. Il semble être déjà savamment intimidé par ses collègues. Tu comprends assez vite que c'est pas la méthode qui va fonctionner et donc tu es assez diplomate, en fait, avec lui, tu vois. Tu fermes, potentiellement, tu vois, quand tu lui dis, voilà, il faut absolument que je vous laisserai pas tant que vous me direz pas où je peux le trouver, tu vois, mais t'es ferme et t'es pas intimidant, t'es pas agressif, t'es pas... Et du coup, effectivement, tu arrives à le faire sortir un peu de sa coquille, il semble comprendre qu'il peut trouver en toi un allié, quoi. Vous avez raison. Nous devons peut-être effectivement trouver le docteur. Je me présente, Scott Norton. Il te serre la main, enfin il te tend la main en tout cas, si tu acceptes de la serrer. Je lui dis John Shepard, de la Royal Army. Docteur Bright, oui, c'est le médecin du village. Il habite dans un petit cabinet au bout du chemin de la campagne, sorti de la ville. Je peux vous y conduire si vous voulez. Oh, ce sera avec grand plaisir. J'ai 2-3 qu'on perd sur le passage, ça vous dérangerait si... Ça vous dérange pas si on... De toute façon, ils sont à quoi, 2 mètres. Mm-hmm. J'ai le sentiment, enfin, je sais pas, détrompez-moi les gars, mais j'ai le sentiment que vous étiez à une poignée de mètres, quoi. Oui, non, mais... On est à côté, enfin, pas trop près de l'étal, quoi, mais ouais, pas bien loin. Tout à fait. Donc, bah, écoutez, voilà, si vous souhaitez le suivre... Monsieur Norton, on vous suit. Il vous attend, enfin, voilà. Peut-être avez-vous d'autres questions qui vous viendraient pour ce jeune homme? Oui, je vais m'approcher de lui et faire « Dites-moi mon garçon enfin mon garçon, ça se trouve il est plus vieux que moi. Ouais, dis-moi, le maire, ça fait longtemps qu'il n'est plus présent aux manifestations et ainsi de suite, parce que Monsieur Miller, apparemment, son majordome, a l'air de dire qu'il était malade. Je ne saurais vous dire, là, il te regarde avec des yeux un peu désemparés, je n'ai jamais affaire au maire, je ne saurais pas vous dire. » Ok, ben merci. Le maire, on le croise partout dans la ville, on le croise lors de la messe. C'est une grande personnalité, il doit être présent. Ça veut pas dire qu'on le fréquente, tu vois. Le Patrick, lui qui a habité un certain nombre d'années, le connaît pas plus que ça non plus. Oui, bien sûr, mais je veux dire par là, quand ça remonte la dernière fois que vous avez pu voir le maire dans la rue? Bon, réfléchir un petit peu. Il y a quelques jours, ça doit faire quelques jours, oui. Et quelques, on est plus sur du... une semaine et demie, ou... Moins d'une semaine, ouais. Là, c'est le MJ qui est en train de chercher l'info. Non, c'est M. Norton qui est en train de chercher dans sa tête l'information. Il est vraiment trop con, ce Norton. Je sais plus, je crois que c'était une poignée de jours, peut-être une semaine, mais pas plus. Il me semble que tu m'avais dit tout à l'heure 3 jours. Ah bah voilà, pas 3 jours. Allons-y pour 3 jours. À la nouvelle version officielle. Je suis prêt à réécrire le scénario s'il le faut. Très bien, 3 jours, ok. Pas de questions sur ce qui vient de se passer. Non, on arrive au cabinet. Ouais, j'ai rien de plus pour moi. Effectivement, rien de plus non plus. Qui vient de se passer ici par... C'est normal que le pêcheur ait été de suite mis aux arrêts par le shérif, c'est comme ça que vous procédez? Est-ce qu'il y a un problème ici? Si ce qui s'est passé tout à l'heure est bien ce que je pense, il a été interpellé parce que, en vendant du poisson infecté, il s'est rendu responsable de la propagation de la rouille. C'est un crime grave, et il risque gros. Mais c'est souvent, ça arrive souvent, ce genre de crime ici? Ce genre de crime, non. Et, vous savez, je pense qu'il se passe quelque chose de grave ici, je suis même sûr. D'abord, des gens sont venus nous voir pour des disparitions, ensuite, Comme vous dites, le maire qui s'est... Disparition ? Enfermé chez lui, son majordome dit qu'il est malade, mais ah, ça fait 3 jours maintenant, et maintenant qu'une manifestation de rouille se produit en plein marché, et pour couronner le tout, Taylor ne juge même pas approprié d'appeler Bright pour qu'il voit ce qui se passe, alors que c'est ce qu'il y a de plus évident à faire, non ? Tout à fait, je partage votre avis. Quand vous dites que des personnes ont disparu, combien au total ? Ah, une poignée, pas énormément, mais tout de même, nous sommes dans une petite communauté. C'est étrange, non ? Tout à fait, c'est très très étrange. Vous remontez tout le chemin, vous repassez devant l'église, et vous arrivez ainsi jusqu'au chemin qui part, et en fait, effectivement, bah, toi, Karl, tu pensais que c'était vraiment sur ce coin, mais en fait, la maison, elle est bien plus loin sur le chemin. Enfin, bien plus loin. Pas sur des kilomètres, mais quelques centaines de mètres, néanmoins, plus loin. Vous arrivez devant une petite maison, une modeste habitation de bois, au bout d'un chemin de terre. Et il vous dira, voilà, c'est son cabinet. Devant l'entrée, vous remarquez que la porte semble fermée. Les rideaux de toutes les fenêtres sont tirés. Merci, monsieur Norton. Bon courage. Et c'est très, très, très vite. Je pense que je pourrais rester avec vous pour voir le Dr. Bright et peut-être le raccompagner à l'étal. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est peut-être une excellente idée. Ah, si cela ne t'attire pas d'ennui, fais ce que ton cœur te dit. Hein. Tu peux rester avec nous. C'est un peu les épaules. Les autres, qu'est-ce que vous faites, Karl ? Non, je sais pas trop. J'attends de voir ce que le cadet décide. C'est sa décision. Puis après, avec ou sans lui... Bouge pas en tout cas. Patrick ? Moi je me dirige vers la porte, ou frapper à la porte. Ok. Donc, tu arrives à la porte, tu frappes, tu attends un petit peu, tu n'entends pas de réponse à l'intérieur. Fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Avec un bonus de 10 pour toi, les autres peuvent également faire un jet si vous regardez dans cette direction, sans bonus par contre. 66, c'est raté, c'est sûr. Succès de 3. Il est en feu. Il est chez lui, il joue à domicile. C'est ça. Moi je vous confirme. Et je lance mes dés et c'est la folie. Enfin, je fais beaucoup de 1, donc c'est un peu. C'est un peu craignos, quoi. Échec de 2 pour moi. Succès de 3. Ah, échec critique, du coup. Oh putain, mais j'ai encore fait un double. Et troisième, tu pars en prison. C'est ça. Donc Patrick, tu t'approches, tu frappes à la porte, et là, tu y a quelque chose qui t'embête un peu. Tu recules et tu baisses les yeux. Tu vois que tu as marché dans un petit peu de sang. Quelques gouttes de sang dans l'embrasure de la porte. Mais je montre ça à tout le monde. Je donne un coup d'épaule dans la porte. Ah bah, tu vas me faire un jet de force, alors, directement. Et là, c'est un échec, forcément. Je me pète l'épaule contre la porte. Tu vas parvenir à l'enfoncer néanmoins, mais tu vas perdre un point de vie. T'es sacrément bousillé l'épaule en tapant dans cette porte. Voilà le spectacle qui vous attend, messieurs dames. Grand Dieu. Et je vous laisserai mettre vos avatars si vous souhaitez me décrire un peu ce que vous faites après. Donc vous entrez, vous voyez ce qui est manifestement le cadavre du Dr. Bright, assis sur sa chaise et étalé sur son... Le torse étalé sur son bureau. A priori, il est mort de façon violente ou c'est une maladie... Alors, le cabinet déjà est en plus ou moins pagaille. Une flaque de sang à vos pieds, hein, devant la porte. Le corps sans vie fallait dans le siège. Déjà, vous allez me refaire un jet de stress, s'il vous plaît, de force mentale. Là. Échec. Ceux qui font un échec prennent ou reprennent un point de stress. Réussite critique. Magnifique. Réussite. Avec un nouvel 11. Réussite critique pour moi aussi, avec un 11 également. Seul Karl semble très affecté par la mort de son collègue. Peut-être naturel avec partager la même... Mais j'entendais beaucoup de choses de cette rencontre et donc effectivement ça m'affecte profondément. Du coup bah tu prends un petit peu de temps pour récupérer. Kaira, est-ce que tu es... Je ne te vois pas sur la map, est-ce que ça veut dire que tu n'entres pas dans la... Non, je rentre. Je reste derrière. Bah, du coup je suppose que je dépasse Karl qui est un peu affecté. Ok, Patrick, que fais-tu ? Je commence à regarder le corps pour voir si... Bon, il y a des traces. Ok, bah, prends choix du corps, s'il te plaît. Placez-vous là où vous voulez aller, en fait. John ? La première chose que je vais faire, c'est que je vais voir Monsieur Norton. Enfin, je me retourne vers Monsieur Norton et je dis, Monsieur Norton, rentrez pour l'instant. Fermons la porte et ne prévenons pas directement le shérif. Venez avec moi, on va inspecter dans un premier temps toutes les ouvertures. Bah, tu vas me faire un jet de perception, encore une fois. Dédicace à Volsung. Bonus de 20, s'il te plaît. Ça me fait 46 avec ton bonus de 20. Attends, je regarde juste ma fiche perso. Et non, échec de 1, c'est triste. Comment dire, Patrick, toi, tu regardais le cadavre, on est d'accord ? Tout à fait. Donc effectivement, bah, Norton, tu diras que c'est bien Dr. Bright. Hein. Vous voyez une poignée d'ustensiles médicaux qui gisent au pied du docteur. Des ciseaux ensanglantés, bandages imbibés de sang. Quand tu le manipules, enfin si tu manipules un peu le corps, tu Tu peux voir qu'effectivement, il aura manifestement essayé d'enserrer sa blessure. Tu regardes, tu vois des morsures semblables à celles d'un serpent qui sont présentes sur la nuque du docteur. Assez grandes, comme si les crocs avaient été arrachés d'un seul coup. Le corps est marqué de profondes entailles au niveau de l'abdomen et du thorax. Beaucoup de sang a été perdu, manifestement. L'état de durcissement du cadavre ne me semble pas très avancé. Pas faire bien longtemps qu'il est mort. Ceux qui regardent le cadavre, je vous laisse un peu déterminer votre approche. Comment, Karl, tu as pu sortir un peu de ta torpeur, évidemment. Faites-moi un test de potentiellement de médecine, folklore ou d'artisanat. Perso, je regardais pas spécialement le corps, mais bon, il y a plusieurs papiers où il était occupé à faire quelque chose. Je regarde plutôt ce qu'il y a sur son bureau, en fait. Ouais, d'accord. On verra ça après, pas de soucis. Échec. Réussite. En médecine, je précise. Karl, ton professionnalisme reprend le dessus. Tu reprends le contrôle. Tu commences à t'approcher. Tu remarques que ce qui semblait pouvait ressembler à des morsures semble en réalité être des entailles infligées par un hameçon double. Un instrument qui reste assez rare, même dans un village de pêcheurs. Mais ça ressemble pas du tout à une morsure de serpent, par exemple. Pour l'abdomen, ce que tu peux voir, c'est que l'arme du crime semble être manifestement une arme blanche, probablement un couteau assez long, d'un premier coup d'œil que tu n'as pas repéré dans la pièce. Tu inspectes un petit peu sa peau, sa rigidité, et effectivement, tu te dis qu'il est mort il y a quelques heures, tout au plus, en tout cas dans la journée, ça c'est sûr. Keira, toi tu t'approches, sur le bureau tu figures, tu vois quelques documents, les récentes consultations du docteur, près de sa main gauche, un petit papier sur lequel est griffonné une inscription en lettres de sang, que tu repères tout de suite et que je vous montre. Semble avoir été écrite manifestement par le docteur, juste avant sa mort. Dans le carnet de consultation, tu verras que ce carnet n'était manifestement pas très à jour, la journée en cours est vide. Bon. Ça donne pas beaucoup d'informations. Ok, s'il y a rien de plus, au niveau du carnet de consultation, je retourne à 3 jours en arrière, qui correspond à la disparition du maire. Apparemment, comme il voulait voir que le docteur Bright, c'est ce que Miller nous avait dit, je regarde s'il n'y a pas des traces de ça, justement, d'une consultation chez le maire ou un truc du style. Ouais, ok. Tu commences à remonter, tu vois qu'apparaissent quelques notes, des noms, pas toujours complet, mais tu vois rien de particulier, rien qui semble concerner le maire. John, donc toi, tu t'approches des fenêtres. Oui. Près de l'une des fenêtres latérales de la maison. À l'extérieur, tu vois un pot de fleurs qui était manifestement initialement posé sur le rebord de la fenêtre avec les autres qui se trouve au sol brisé. Tu regardes par la vitre, tu vois que les bris du pot de fleurs sont au sol. Ok. Donc voilà, il devait manifestement être sur le rebord, il a dû tomber, quoi. Au niveau de la fenêtre, on peut voir s'il a été ouverte récemment, tout ça, si justement c'est quelqu'un qui a tenté de s'enfuir de la fenêtre ou qui est rentré. Elle est fermée. Après, effectivement, du coup, c'est à l'extérieur, donc là, tu vois pas forcément super bien. Ok, note à moi-même de y aller vérifier juste après. Que faites-vous d'autre ? Monsieur Vourman, vous pensez qu'on aurait pu enlever un organe, ce qui expliquerait la tache de sang sur le devant, là-bas, à côté de la... C'est Docteur Vourman, mais... Non, je ne... Mais pas ce qui ressort de mes observations. Effectivement, pas ce qui ressort de tes observations. Mais il y a effectivement une grosse flaque de sang à l'entrée. Une grosse flaque de sang qui n'est pas... Il n'y a pas de traînée de sang jusqu'au bureau. Donc peut-être c'est le sang de l'agresseur. Et en regardant derrière la porte... Alors, il n'y a pas de traînée de sang, mais tu peux voir quelques gouttes, hein, quand même. D'accord. Donc ce n'est pas le sang de l'agresseur. Et vous n'avez pas particulièrement porté votre regard sur cette flaque de sang, d'ailleurs. On approche, je referme la porte pour voir s'il y a du sang sur la porte à l'intérieur. Tu peux en voir sur la poignée, oui, et un peu sur la porte, effectivement. Tu vas me faire un jet de perception. Échec. De combien ? De 2. Ok. Donc tu vois effectivement une grande quantité de sang. Je doute qu'une telle quantité de sang s'avère... Une telle perte peut s'avérer facilement fatale. Et alors que c'était vraiment à deux doigts de passer à côté, mais en fait tu vois que couverte de sang se trouve une clé au sol. Ne serait-ce pas la clé de l'entrepôt numéro 3 ? Ouais, c'est à ça que je pensais aussi, entrepôt 3. Je vais en parler au cadet pour dire si entrepôt 3, ça lui parle comme chiffre d'entrepôt. Bon, toi, Patrick, hein, pour toi, c'est évident. NTP3, c'est une abréviation de pêcheur, et si elle veut effectivement dire entrepôt 3, et effectivement, il y a un entrepôt vers les docks qui se retrouve au nord-ouest du village. Donc, ce que pourra tout à fait confirmer Scott. D'accord. J'aimerais jeter un coup d'œil à ses étagères et à son stock en fait de produits médicaux pour essayer de déterminer ce qu'il a pu essayer de traiter comme maladie récemment, en voyant ce qui est vide, ce qui manque, ce qui a été utilisé, quoi. Donc tu vas vers la commode, tout à fait. Voilà. Donc une commode ordinaire, tu regardes à l'intérieur, des piles de documents administratifs, des livres de comptes, la plupart semblent dater de l'époque où le docteur dépendait de l'ordre des médecins, pardon. Tu trouves une trousse de soins qui est complète et prête à l'usage. Voilà ce que tu vois comme ça en ouvrant rapidement les tiroirs. Du coup, je peux ajouter dans mes possessions une mallette médicale, si jamais je la prends. Une trousse de soins, oui, tout à fait. Ouais. Donc ça fait une dose de soins. Parce que moi, ma mallette, elle a 5 doses de soins. Donc est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est juste une dose de soins? Oui, c'est la même chose, ouais. C'est une trousse de soins. Oui, tu rajoutes 5 doses. Quoi. Enfin, 5, ouais. D'accord, donc 5 doses. Super. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît, Karl. C'est ma spécialité. 77. Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec le double? C'est un échec critique. Tu fais quelque chose de plus? Eh ben, moi, ça m'intéresse, en tant que membre de l'ordre, ça m'intéresse de me plonger dans ces carnets de l'époque où il en était aussi membre. Ok. Les autres, pour l'instant-là? Moi, je regarderais bien sous le tapis. Il n'y aurait pas quelque chose qui avait glissé dessous. Sous le tapis. Mmh. Ah bah, ça, c'est parce que ça a été mentionné en intro, ça. Alors, tu regardes le tapis et, bon, tu vois rien de spécial dessous. Et Ira? Je regarde, donc, il y a le cadre... Je regarde toujours derrière, au cas où il y aurait un coffre dissimulé, parfois ça pourrait arriver. Eh bien, bingo, un coffre-fort, effectivement, se cache derrière ce tableau. Tableau qui d'ailleurs attire ton œil. Un beau tableau, doit valoir une certaine somme. Il représente un portrait, comme sur le dessin ou... Exactement, portrait d'une belle jeune femme. Il est signé, ce tableau? Il est signé, tout à fait. Tu pourrais me faire un jet de folklore, je vois pas mieux que ça. Ouais, ou éventuellement... Ouais, non, artisanat, je vois pas, mais... Ou artisanat, ouais. Ouais. Ouais, c'est moins le... Enfin, voilà, c'est moins... Ouais, c'est plus folklore. Donc, plutôt folklore, hein. Ouais. C'est une réussite de 1. Oui, c'est un tableau qui doit manifestement pouvoir se vendre dans les 250 livres quand même. Ok, ben... Un nom un petit peu connu, c'est pas un grand artiste, mais voilà, tu sais que c'est une œuvre. Voilà. C'est intéressant, je le mets sur le côté, mais du coup je m'intéresse plus au coffre. Bah, du coup j'ai décroché le tableau, sauf si c'est une porte, quoi. Donc tout le monde peut voir le coffre. Ouais, oui, non, c'est plutôt décroché, effectivement. Oui. Et c'est un coffre à code ou à clé? Un coffre à code. Moins drôle. Patrick, quelque chose d'autre? Moi, je ramasse la clé, je le dis à tout le monde que j'ai trouvé une clé. Alors, tu comprends assez vite que c'est la clé de la porte, de la porte d'entrée. D'accord. Je préviens qu'il y a le coffre, et je vais me mettre à fouiller les différents tiroirs et ainsi de suite pour espérer trouver la combinaison. Mais... D'accord, tu commences à fouiller des tiroirs de quoi? D'abord les tiroirs du bureau. Okay. Si j'y trouve rien, je passerai aux étagères de la gauche ensuite. Commençons par le bureau. Donc tu commences à fouiller le bureau, pas de souci. Les autres? Mais je vais voir sur le... Enfin, je sais pas si c'est un canapé ou quoi, mais il y a l'air d'avoir du sang là sur le... Oui, alors tu vois qu'effectivement c'est par là qu'a dû passer le docteur avant de rejoindre son siège en fait. Donc il aurait pas été blessé sur sa chaise en fait, il a été blessé ailleurs. Grosse flaque de sang devant la porte te semble un indice assez clair. D'accord, ok. C'est là, ok. Il n'y a pas tant que ça de sang. Il y en a quand même, une belle quantité. Mais il y a une belle quantité sur le sol devant la porte, et moins que sur son bureau. Quoi. Ok. John, après la fouille de ce... Non, c'est qui? C'est Karl, pardon, après la fouille de cette commode. Donc John, après avoir regardé par-delà le tapis. Oui, je vais essayer de chercher dans les poches du docteur. Rien de particulier. Tu trouveras quelques pièces peut-être, enfin un instrument glissé là, mais voilà, rien de spécial. Keira, pareil, tu trouveras tout un tas de documents, des feuilles de voilà, des carnets de feuilles, etc., des choses comme ça, tout un tas d'instruments, mais rien de probant qui pourrait concerner le coffre. Karl? Après avoir regardé brièvement la commode. Est-ce que j'ai trouvé des choses intéressantes dans ces petits carnets? Non. Dommage. Pas rien d'intéressant en ce qui concerne sa situation de nouveau mort ou de ce qui pourrait se tramer à Donil. Ira. Bah, du coup, je vais me rendre vers les étagères pour continuer ma fouille. Donc, Donc c'est la bibliothèque. Il contient tout un tas de livres détaillés sur la médecine moderne, beaucoup homologués par l'ordre des médecins du Grand Royaume. Tu repères assez vite des traces de sang, des empreintes de sang même, sans indiquer que le médecin aurait trifouillé dans les livres avant de mourir. Bah, Je vais m'intéresser de plus près à ceux qui ont des empreintes sur eux. Tu fouilles, hein, tu n'y comprends pas grand-chose. Karl, si tu t'approches, bon bah tu vois effectivement des livres assez intéressants pour des volumes assez rares que tu reconnais, Karl. Toi, Kera, tu n'y vois pas grand-chose. Tu finiras par trouver un livre un peu moins homologué déjà, qui parlera d'alchimie et qui contiendra des recettes alchimiques, mais dont tu ne comprends rien. Actuellement, hors de ta portée. Okay. Il n'y a pas d'alchimiste dans le groupe. Je vais garder le bouquin au cas où. Et puis, n'ayant pas mis la main sur un quelconque code éventuel, je me demande si je pourrais pas tenter de... Ouais, sans combinaison, de crocheter, mais c'est sur un gros coup de bol, quoi. Ok. Enfin, c'est crocheter comme ça à code, c'est plus... je mets mon oreille contre le corps. Ouais, me fais quand même un jet de crochetage, mais effectivement, ça va être dur. Les autres, vous voulez faire autre chose? Peut-être je suggérerais à notre ami d'utiliser la chance, de toujours pas utiliser cette mécanique. Ouais, c'est une mécanique que j'envisageais. John, tu avais idée d'aller voir à l'extérieur aussi, je te rappelle. Oui, je vais aller faire un tour à l'extérieur et voir comment ce pot de fleurs s'est cassé la figure. Patrick ? Alors moi, entre les différentes traces de sang un peu partout et peut-être des traces de pas, j'essaie de remonter le parcours du docteur, en fait, de la porte jusqu'à son bureau, et j'essaie de voir ce qu'il a pu toucher. Ou... Bah, il semble être allé un peu partout. Le sang sur l'espèce de canapé, tu te demandes si c'est pas simplement une projection, parce qu'effectivement il semble s'être dirigé vers la bibliothèque, compulser quelques trucs. Kaira, t'aurais pu y voir aussi des dossiers de patients, et avant de se diriger vers le bureau et de s'écrouler dessus. Ok, niveau crochetage, j'ai pas trouvé de compétences crochetage, donc... Ah bon ? Mince, attends, mais pourtant t'as un truc... Ah, c'est dextérité, pardon. Ok, c'est ce que je pensais. Donc j'avais utilisé un point de chance pour faire ce jet-là. Comme ça, on testait la mécanique. Et du coup, ça me fait une réussite de 2. Réussite de 2. Et en plus, tu as un bonus avec ton kit. Est-ce que tu utiliseras ton kit ? Oui, mais ça parle que de serrure mécanique. Donc, du coup, ça a code. Oui, oui. Voilà. C'est... On va étendre cette... Sinon, bah, du coup, oui, je l'utilise. Oui. Bah en fait, tu vas effectivement sortir un petit kit qui va te permettre d'écouter un peu, tu vois, les cliquetis à l'intérieur, et tu finis par arriver à ouvrir le coffre. Dans le coffre, tu vois de l'argent, 300 livres, et c'est tout. Désolé. Non, bah, je les embarque, je laisse le coffre ouvert, et je me retourne vers tout le monde, et je dis, messieurs, nous sommes donc sur une scène d'un vol qui a mal tourné. Shepard, tu vas vers l'extérieur du coup, si certains veulent le suivre, je sais pas. Ouais, je vais avec lui. Ouais. Donc vous commencez à regarder au niveau de la fenêtre, et vous voyez assez facilement une trace de sang en forme de main sur le rebord de la fenêtre, comme si quelqu'un s'était appuyé cet endroit. Il aurait pu faire tomber le fameux pot de fleurs, du coup. Hein. Et surtout, au sol, une trace de bottes. Ok. Trace assez fraîche. Avec un motif de semelle assez... Il y a un motif bien dessiné, si vous voulez, qui serait relativement facilement comparable, disons. Ouais, tu as à peu près une description ou... Non. Ok. Bah, je prends une note motif. Ouais. Et j'estime à peu près la taille de la main par rapport à la mienne. Oui, quelqu'un d'assez imposant. Et comment, toi ? Ce que tu me dis par rapport à toi. Un peu plus grand que toi. Oh, voilà. Ouais. Oh, abattoir d'un géant, mais voilà. Est un peu plus haut. Bien. Eh ben, je vais vous proposer d'arrêter ici. Je vous avais, je pense, fait à peu près le tour. Moins que, voilà. Enfin, je vous laisse me dire rapidement là, si vous avez autre chose à voir. Il y a des trucs, pas grand chose que vous avez loupé, mais pas grand chose. Mais voilà, si vous avez une autre idée, sinon, voilà, je pense stopper là. C'est bon. Ok. Donc voilà, ainsi vous avez découvert la triste fin de ce pauvre Dr. Bright, et peut-être arriverez-vous à élucider ce qui s'est passé et comprendre ce qui se passe à Dunhill lors d'une deuxième session. Oui, il se passe pas mal de choses. Bon, écoutez, sur ce, on va donc stopper là. Je vous remercie, et puis merci à nos auditeurs, et à plus tard. Ok. Salut. Salut.